Rendez à l'Éternel, Fils des puissants. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant lui dans la splendeur. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel est pleine de puissance. La voix de l'Éternel est pleine de majesté sur la terre. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un jeune taureau. Le Liban et le Sirion comme un jeune buffle en sursaut. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Elle fait enfanter les biches dans les forêts et dépouille les forêts de leurs feuilles en concert. À son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. L'Amen. Sa voix fait trembler.